J'ai fait ça sur le capot de la Twingo. Twingo. On a fait la Java dans la Samba. Samba. Elle m'a dit touche plus haut dans la Clio. Clio. Mais celle qui sort du lot, c'est la de chevaux. De chevaux. J'pouvais tirer mon coup dans la Kangoo. Kangoo. J'étais plus romantique dans la Scénic. J'ai fait le plan du gros bœuf dans la 19. Mais je ferai jamais rien de bon dans l'évasion. L'évasion. Si t'as des clopes et la bagnole, tu peux te vider les roues. Bien, joli. Faut pas dire gnole. Non, faut pas le dire, il y a un film là. Roubis sans le gnole, ça va. Roubis avec le gnole derrière, ma mère a dit ça fait vulgaire. Bon. Alors comme, attention, faut pas rigoler, hein, parce que ma mère... Il m'inquiète encore. Mais... Si vous le lavez sur le dos... Non, mais c'est rien, il quitte. Reviens, Babou. Babou, reviens. Tu t'en vas au bar. C'était limite scato dans la Punto. Et carrément cracra dans la Brava. C'était un peu moins chaud dans la Bravo. Et sincèrement, j'ai les fesses dans la DS. Elle m'a touché le poireau dans le berlingot. J'ai tâté le lolo dans la Saxo. Et j'ai tenté le grand chelem dans la XM. Si t'as des clopes et la bagnole, tu peux te vider les roues. Mais non, ma mère, hein. Je me suis senti des ailes en coccinelle. Le plafond dans une Orion. J'ai pas fini le travail dans ma Hyundai. J'ai perdu mes effets en Chevrolet. J'suis tombé sur une chienne en Volkswagen. Elle m'a pris pour un loup dans ma Déou. Cathy m'a dit ah oui dans la Mini. Cathy Mini. Mais j'me suis fait que des tons dans mon fourgon. Si t'as pas de clope et pas de bagnole, qu'est-ce que tu vas te prendre comme toll? Guignol, attention les Polonais de vieux condé. Vas-y, Babou. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!